pour mon amour, pour mon gaillard. Tu es encore en retard. Je pars devant mon miroir. Et peu à peu, je perds espoir. Je me suis fait belle ce soir, le temps commence à être noir. Tu crois que t'as encore oublié que je t'avais invité. J'avais préparé à manger et tout devait bien se passer. Et si je continue à boire, je ne pourrais plus te recevoir. J'en ai marre de t'attendre, encore une fois tu me tentes. J'ai voulu te faire plaisir, j'ai cuisiné pour te ravir. Maintenant que la dinde est prête, moi je suis complètement faite. Mon vieux gaillard, c'est fini, j'en ai marre. Tu peux rester dans ton trou noir. Pas pourri, ça te crevera. Oh mon amour, oh mon gaillard, oh mon amour, oh sacré.